Poésie urbaine, Seven et Hacks. Mais allez, je suis boycott. C'est pas grave. De toute façon, nous, c'est la voix des sans-voix. Les gens, ils savent ce qu'il est vrai. Maintenant, tous ces petits bâtards qui boycottent, on va les serrer, t'inquiète. 1 à 1. Je peux pas me permettre de prendre perpète comme Pernel. Jeune poète, je répondrai de mes actes devant l'éternel. Je suis bronzé dans le mauvais sens du terme, fier de mon épiderme. Moi je récite les problèmes et les murs ternes. Poème des temps modernes, les problèmes de thunes, c'est ce que les grands ont laissé aux petits comme modèle. Quelle débilité, la crédibilité. Retrouve ton corps à la crête illimitée. Si tu manques d'humilité, arrêtez de nous imiter. Ma plume commence à s'exciter, j'écris par nécessité. Vos sens, je viens solliciter, j'apporte du sens parce que le sang, y'en a trop dans les cités. J'espère finir dans la salade comme nos darons. Comment faire confiance aux femmes et dire salam à elle est comme le soir. Elles avalent des couilles pendant ce temps. J'fume de la com. Baudelaire a écrit la guerre de la fontaine des fables. Moi j'écris la merde ainsi que les revenus faibles. Ici les pères sont pas fiers de leurs fils, encore moins de leurs filles. J'pose ma pierre à l'édifice, guerrier comme Kadhafi. Poésie urbaine, surdissant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine. Poésie urbaine, soi-disant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine. Les arts nous connaissent, je suis correct. Poète comme les Corées, je suis attaché au rap comme Chirac à la Corrèze. On télécharge comme Torrent, je me la rabis comme Lorenz. Cours Forest, je suis Tyson, un deck à ton oreille, c'est la guerre, t'as le Cohen. Je suis porte-parole par l'OM, j'aime les vainqueurs, t'as l'OL et le pognon, t'as les Cohen. Je rappe pour les Abdelouab, les frères t'as Babelouab, ceux qui chattent, la parole d'homme fait le sable. Ceux qui se battent avec le sable, les Sabérines le savent, c'est la mélodie des braves. On rappe pas que pour les drames, des balafres dans le crâne et des problèmes cérébrales. On se battra pour les rails comme les chrétiens. Tiens avec le Graal, comme Portugais chez Caray. Rouya c'est war, on veut le Jenna Panar. On flirte avec le Har, ça bite grave dans les bars. Farta, sa titude, Moula Z, pas de char. Poésie urbaine, soi-disant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine. Poésie urbaine, soi-disant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine. Si la vie laisse un goût amer, comme un féca sans sucre, mais nique sa mère. On avance avec mes gars sans thune. Le rap, une sous-culture, d'après ce qu'il raconte. Pourtant j'écris mes textes sans les études d'un expert comptable. Ma mère aurait voulu que je fasse un bon taf. Hamdoullah, je suis sur le schéma avec les keufs, y'a pas de contact. Faut que la résine, ma poésie, sans moi si demande de voisin ou voisine. Chante pas comme rock voisine. On a la dalle comme les gunners, on tape pour dire au de l'heure. Fini l'époque des receleurs, vulha comme les jeuneurs. Légionnaire de la vie, injustice comme à Tel Aviv. Histoire de lover, frères qui sont levés. Tristesse et tyrannie, douleur comme en Birmanie. On rappe pas pour la gloire, le rap pas n'échappe pas à toi. Un calmer, nique sa mère, le rap, on est des lions indomptables comme les camères. Poésie urbaine, soi-disant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine. Poésie urbaine, soi-disant le pire l'espèce humaine. Écoute le récit d'une vie gravée dans l'abdomen. Ça hexe ses veines sur son, comme ce produit dans ta veine. Les anciens savent et puis les savent qu'on allait manquer de veine.